vieil ici, mon petit chapin. De toi, je prendrai soin. Toi, mon petit chapin qui pue. Ah, comme tu es si nu. Toute la journée, je vais te décorer. Et après Noël, je te brûlerai. Noël, c'est pesant. Quand t'as pas d'enfant, quand t'as pas le temps, ou t'as pas d'argent. Noël, c'est chiant. Quand t'as plus tes vraies dents, quand t'as plus ta maman, quand t'as un ventre qui pas trop vaillant. Et Noël, c'est trop lourd quand t'as pas d'amour. Noël, c'est mourant, surtout en magasinant. Noël, c'est une aveuglés avec ces lumières guirlandes clichés, à faire vendre elles sont destinées. Entre nous on a parié qu'à l'hameçon vous morderiez. Désolé, on a des stocks à écouler. Vous en avez sans doute entendu parler. Pardonnez-nous d'encore vous les casser avec de faux espoirs et des vœux préfabriqués. Paix et prospérité pour toute la parenté. Entre nous, on s'était dit que vous seriez sans doute ravis. Désolé, on a des profits à augmenter. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est encore Noël. De vous faire endurer ces rengaines depuis la nuit des temps usés, ces mots 100 000 fois remâchés. En comité, on a statué, ils aiment encore ça le réchauffer. Désolé, on a des des has-beens à recycler. Vous en avez sans doute entendu parler. C'est encore Noël. Désolé, mais c'est encore Noël. Désolé, mais c'est encore Noël. Désolé, c'était encore Noël.